Alors j'ai prévu deux trucs. Il y a Les Doigts dans la colle, c'est une comédie pouette-pouette française rigolote. Je voyais pas ça, moi. Oh non, c'est dégueulasse. Oh non. Mais je suis plutôt film d'auteur, donc là. Et il y a La Revanche du désespoir, qui est un film d'auteur, justement. Ah, voilà, voilà. Je ne te mens pas. La Revanche du désespoir. Yeah, yeah. Ou si vous voulez, bien sûr, créer vous-même un titre de film. Hein. Et bah, qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 3 c'est trop. Non, je refuse ce titre-là. J'ai pas envie. Donc voilà, ce sera après la pause. Je vous laisse la pause pour réfléchir. Ouais. Et en attendant, on écoute Nina Attal, I've Been a Fool. J'ai vu de la lumière, 21h-23h sur Indestar. Place à l'impro. Tout à fait, place à l'impro. On est reparti pour une improvisation en mode talk show. Donc on va être dans l'émission qui s'appelle, Théo, comment ? Choose de filmer. Ouais. Formidable. Bah, je crois que vous êtes tous prêts. Vous vous êtes préparés un petit peu pendant la pause. Ouais. Ce qui est assez rare pour le mentionner dans cette émission. On a essayé de trouver des prénoms, quoi. On a des prénoms. Je ne jette la pierre à personne. On a mis du temps. Est-ce qu'on peut y aller tout de suite, du coup? Ouais, juste le nom du film. Le nom du film, Revanche du désespoir. La Revanche du désespoir, du coup. Film d'auteur. Formidable film d'auteur. Je l'ai vu la semaine dernière, il vaut vraiment le coup, je vous conseille. Au studio, bien sûr. Attends, ouais, nous dis en pas plus, tout. Si tu passes en VO, tu peux aller. Je vais pas divulgager, comme on dit. Mais arrête, les gens, ils vont vraiment aller chercher le film, du coup. C'est un film fictif. Bientôt filmé. Le film n'existe pas. C'est en version française sous-titrée française, c'est ça? C'est ça. Ça, tu sens vraiment que t'es dans le cinéma d'auteur quand c'est sous-titré sur de la... Bon, bref. Des on y va tout de suite pour cette émission talk show Choose des filmés, tout de suite sur Indestar. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans Choses défilmées, votre rendez-vous du mardi avec Didier Chaumont pour vous servir et pour accueillir ce soir l'équipe de La Revanche du désespoir, le dernier film en date du réalisateur Jacques Bourlingue. Ici à nos côtés, bonjour Jacques. Bonsoir. Également présent dans l'équipe ce soir, Lisa Kammache, qui est actrice principale du film en question. Bonsoir Lisa. Bonsoir. Et enfin, Lionel D, décorateur, designer du film, qui voulait absolument participer à l'émission. Il est là ce soir. Bonsoir, Lionel. Bonsoir. Alors, j'ai envie de vous demander, dans un premier temps, mesdames, messieurs, comment nous est venue cette idée, et plus particulièrement à vous, Jacques, l'idée de La Revanche du désespoir. Film dramatique, s'il en est, film d'auteur, bien sûr. Comment vous est venue cette idée ? C'est tout simple, dans mon dernier film, j'abordais la question de la transsexualité, entre autres. Et cette question m'a amené très logiquement à l'idée du désespoir et à savoir comment ce désespoir, dans une moindre mesure polysémique, arrivait à prendre une revanche sur ma vie. D'accord. Alors, donc film, je dirais, qui transmet une certaine volonté de vouloir s'en sortir des sentiers battus, si je puis dire, un vrai engagement politique qu'il y a dans ce combat contre la maladie. Oui, tout à fait. J'ai voulu justement métamorphoser la maladie dans un décor assez extraordinaire qui a nécessité un budget assez conséquent. Mon décoriste est là pour en parler. Et avec cette actrice formidable qui est à nos côtés, Lisa Kammache, on a fait un travail tout à fait exceptionnel. Elle a été très forte dans ce rôle, qui était un rôle vraiment pas évident, dans lequel elle meurt 12 fois, elle ressuscite 12 fois. Ouais. Et à chaque fois, elle le fait avec autant d'aplomb. Et vous, Lisa, donc c'était votre premier rôle hein, pour un long métrage. Comment avez-vous vécu cette expérience ? Effectivement, comme vous l'avez dit, c'était ma première fois au cinéma. Mais quand j'ai reçu le scénario de Jackie, ouais, j'ai trouvé ça... incroyable, et la question de mourir une fois, c'était pas un problème. Mmh. Mourir deux fois, c'était pas un problème. Et mourir 12 fois, est-ce qu'au bout de la 12e fois, ça ne vous a pas posé problème ? La 12e fois, ça a été un peu plus dur. Mais non, ça... Je dois dire que, pour donner une précision à ce que dit ma formidable actrice, 12 fois, pourquoi 12 fois ? Ben simplement pour faire référence aux boîtes d'œufs. Ah oui, j'y pensais justement, la douzaine d'œufs. La douzaine d'œufs, on meurt 12 fois quand on achète une douzaine d'œufs. Je veux dire, le message du film, il est là, quoi. C'est, d'accord. Dans le supermarché, vous achetez une... C'est pareil. Ouais. Et biologique, hein, on précise les œufs. Hein. Ouais, c'est important de le souligner, évident, parce qu'il y a un vrai engagement écologique quand même dans l'idée du film, hein, que vous portez avec votre écharpe recyclable, hein, que vous avez amené avec vous sur le plateau. Donc vous vous brandissez haut et fort, je dirais, les axes écologiques que l'on veut développer en France. Quant à vous, Lionel D, vous êtes décorateur et designer dans ce film. En quoi avez-vous contribué au succès naissant de ce nouveau film d'auteur? Bien, ce serait peu dire de dire que j'ai fait beaucoup et que Jacques est un des seuls grands réalisateurs à comprendre le véritable impact d'un décor sur un film. Ce film, comme vous l'avez dit, qui sort des sentiers battus, et mon décor, effectivement, devait transcrire cette sortie. La sortie A28 que vous prenez dans l'autoroute, mademoiselle, à un moment donné dans le film, scène très forte, hein, on sent que vous hésitez entre la sortie 28-29 sur le GPS, ça s'embrouille, et quelque part ça amène vers l'intrigue du film, dont on va écouter un extrait tout de suite dans notre émission La Revanche du Désespoir, dans Tuesday filmé. C'est parti. Attends. Tourne à gauche. Vous êtes sûr? Tourne à gauche. Là, tout de suite. À gauche. La 28. La 28. 28. Je suis pas sûre. C'est presque 2 fois 12 plus 4. 28. Mais. 12. La 29, elle est bien aussi. Est-ce que 12, ça te parle? 12. 12. Je tourne maintenant alors. Une douzaine. Tu sais ce que tac. C'est une douzaine. Je mets le clignotant. Tac. 12. Je tourne pas là. C'est la date de notre rencontre, le 12-12-2012. Là où je t'ai vu la première fois au volant de ta Twingo. Je me souviens. C'est comme si c'était hier. Ok, je tourne tout de suite alors. Ah, attention, stop. Passionnant, effectivement passionnant ce film, La Revanche du Désespoir, à voir dans toutes les salles, c'est sorti mercredi. Est-ce que vous avez un mot pour terminer notre entretien aujourd'hui, un mot de la fin, un mot qui pourrait déterminer, je dirais, un petit peu tout l'engagement et l'amour que vous avez mis dans ce film? Je vais commencer par vous, Jacques. Je dirais suicide. Ouais, suicide, effectivement. Bah, c'est vrai que c'est redondant, c'est l'élément redondant dans le film. Hein. On n'a pas 5 minutes sans se dire, là, à un moment donné, il y a une approche, y a une approche de mort, hein, tout simplement. Mais c'est un film qui parle de la vie, au final. Oui, le ressuscite. Mais il n'y a pas vie sans avoir de mort, hein, comme on dit. Exactement. Voilà. Didier, tu m'entends, hein? Oui. Ouais, écoute, c'est pas la fin tout de suite, là. Selon le contrat, faut qu'il reste au moins 15 minutes. Alors. D'accord, ouais, bah alors c'est la pub. Non, non, pas la pub. On a un spectateur qui a pas aimé le film du tout, là, on va le mettre, ça va faire de l'audimat. Très bien. Lisa, votre ressenti par rapport au film? Intense, ça sera votre mot. Et Lionel? Submersif, bah oui, évidemment. On a des réactions, figurez-vous, parce que il y a des gens ont vu le film, bien évidemment. Les gens se sont précipités pour voir le film, et on a la réaction de monsieur. Vous prenez un micro sans fil. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Bonjour. Oui. Alors, votre prénom? Je m'appelle Édouard de Montarchet. D'accord. Vous avez vu le film La Revanche du Désespoir. Quel a été votre ressenti? Qu'est-ce que vous avez ressenti au plus profond de vous-même? Eh bien, j'ai ressenti un profond dégoût. Du dégoût? Parce que payer 10 balles pour aller voir une merde pareille, excusez-moi, mais c'est dégueulasse. Donc vous n'avez pas apprécié le film? Est-ce que Jacques, vous voulez dire un mot pour répondre à Didier? Non, écoutez, je pense que notre ami n'a pas compris le côté submersif justement du film. C'est simplement une incompréhension. Je pense un manque de culture flagrant. Est-ce que j'ai le droit de répondre? Ah bien. Je sûr, suis allez-y. En direct. Oui. Allez-y, non, vous êtes toujours en direct. Et Monsieur Jacques, excusez-moi, mais bon, les derniers films que vous disiez encore, ça passait. On comprenait pourquoi l'État ou je ne sais qui vous donnait de l'argent. Le CNC. Mais là, ça devient un peu branle-ton sur les bords, si je puis me permettre, même si je n'adopte pas ce genre de vocabulaire d'habitude. Et excusez-moi, mais bon, j'aime beaucoup l'art contemporain, mais quand même. Peut y trouver un aspect positif quand même dans ce film, est-ce que le rôle de Lisa vous a ému? Parce que quand même, on revient sur des scènes fortes, hein, comme cette fois où elle mange une tomate, qui était une tomate bio, hein, on le rappelle, hein, l'engagement politique du film. Est-ce que ça vous a touché tout ça? C'est-à-dire, ça m'a touché une tomate Enfin, je mange des tomates tous les jours et ça me touche pas plus ouais, que mais ça. Est-ce que ce sont des tomates bio que vous mangez? C'est voilà, là, je pense que vraiment, on touche un point sensible oui, que vous n'avez peut-être pas. Ah oui, oui, très bien. Voilà. Alors, tous les bio, les bobos, les écolos, mais j'en ai marre, hein. Ah, d'accord. Ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire, ça pullule dans la société. Donc voilà, hein, y en a marre. On va peut-être donner la parole à un autre téléspectateur. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui. Alors monsieur, vous avez vu le film également, vous êtes précipité, vous disiez même hors antenne que vous avez été le voir avec votre petite cousine. Oui, non, j'ai été le voir avec une femme que je voulais, enfin bon bref. Ah oui, d'accord, ok. Ça, donc ça vous regarde pas, ça c'est c'était pas également votre petite cousine? Non, c'est tout à fait je sais pas d'où vous tenez vos infos. Mais ce film c'est une merde, enfin on a une fille qui est dans une auto-école pendant une heure, je comprends rien. Alors j'ai emmené ma copine le voir, je voulais faire genre que j'étais un télo, mais enfin bon, voilà, aujourd'hui moi je demande au réalisateur qu'on me rembourse ma place. Voilà. Ah, d'accord. Donc visiblement on a des avis plutôt négatifs sur ce film. Qu'avez-vous à répondre, Jack? C'est une très bonne nouvelle, hein. Des avis négatifs, c'est-à-dire que le film est une réussite, c'est exactement ce que je cherchais. Donc je suis très heureux, je suis vraiment très heureux d'entendre ces avis. Et mais 7,50€? Écoutez, il faudra voir avec le cinéma qui vous remboursera peut-être votre place. Si je puis me permettre, Jacques, effectivement, le cinéma doit susciter la controverse. Exactement. Et le débat, sinon il n'a plus lieu d'être. Alors là, pour le coup, il n'y a pas débat, mais il y a plutôt avis négatif. Mais on attend, on est sûr qu'il y aura des avis positifs par la suite. Mais 7,50€... Vous prenez ces critiques de façon favorable. Expliquez-nous pourquoi, un petit peu, Jacques. Je trouve que c'est formidable. Dès lors que vous avez des critiques négatives, c'est déjà une critique positive en soi, la négativité. Moi, ça me donne beaucoup d'idées pour mon prochain film. Et voilà, c'est comme pendant le film, je comprends rien du tout à ce qu'il dit, lui. Je pense faire un film sur justement la submersion marine sous terre, parce que là, il y a un vrai sujet aussi de société. Je pourrais associer cela à des cris de baleine. Oui, tout à fait, bien sûr. Qu'est-ce qu'il raconte, j'ai déjà compris. Et je pense prendre la même actrice principale dans le rôle de la baleine, justement. Je pourrais jouer la baleine. Ce sera formidable. Ce qui est bien, c'est qu'on sent une certaine cohésion, j'ai l'impression, dans l'équipe de tournage. Et ça, c'est chouette. On va se laisser sur un nouvel extrait, hein, qui va faire plaisir à tout le monde, j'en suis certain. Et puis la semaine prochaine, Taxi 18, qui est avec toute l'équipe de tournage, qui sera présent dans Tuesday Filmé. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et à la semaine prochaine. Merci. Et mes 7,50€, moi je. Il baisse son micro. L'extrait. Tu sais, j'étais positivement ravi de te voir hier à ma bar mitzvah. Moi aussi. Tu veux qu'on aille quelque part? Allons derrière ce bois. La poule. Qui de la poule, de l'œuf? Qui de l'œuf ou de la poule? As-tu la réponse à cette question, toi, Gourgandine? Je dirais... l'œuf. L'œuf. Non. Non. Tu non. La poule. Non. Reviens, pas l'œuf. Non. Pas l'œuf. Non. Non. Merci. Ça te donne beaucoup. Envie d'aller voir. Hein. Non mais je vous dis, moi je l'ai vu hier, c'est une tuerie. Ouais. Le passage à un moment. Enfin bref. On rappelle le titre du film. Ouais non. Allez voir La Revanche du Désespoir. Ça tourne tous les jours au studio en ce moment. Un rendez-vous incontournable. Mais j'aime beaucoup le titre du film. Après, un peu moins emballé par le scénario, mais le titre était bien. T'as tort. Mais 7,50€, bordel. Ce n'est pas un film fait pour être emballé, hein. C'est un film pour déballer. Non, exactement. Pour être dégueulé aussi, oui, sans doute. Faut faire attention aux chiens. Ok, avant de passer à la suite, on écoute Basement Alchemy, Chasing My Own Tail. Quel accent formidable. J'ai vu de la lumière, 21h-23h sur Indestar. Tout à fait, on est reparti pour une demi-heure d'improvisation encore qui nous reste avec vous. Est-ce que ça va toujours? Oui. Ouais. Formidable. Il faut la faire différemment. C'est... On se sent toujours. Oh oui, on se sent toujours. On va faire un dernier tour. C'est trop génial. On y va. Ok, on est reparti pour une histoire qui a parlé d'administration, parce que c'est quelque chose qu'on adore dans la vie de tous les jours, l'administration. Super. Ouais, c'est sexy. Moi, je m'y connais bien. C'est sexy. C'est ma vie tous les jours. Hein. L'histoire, elle est toute bête, en fait. C'est Monsieur Thierry Rincedoigt qui va aller refaire son passeport. Oh non. Tout simplement. Il sait que ça prend 2 mois. Il a pris rendez-vous ou pas? Il a pas. Alors, non, ça, c'est pas possible. Internet, c'est pas possible, monsieur. Alors, il fallait prendre rendez-vous, monsieur. Attends, c'est pas commencé là. Va se calmer, oui. Donc ça va se faire de manière un petit peu empirique. C'est peut-être celle que j'ai le moins travaillée, mais en même temps ça va se faire très naturellement, je pense. C'est pas faux. Thierry Rincedoigt, il va juste rentrer dans le bâtiment, la préfecture, la mairie, je sais pas trop. Alors la mairie. C'est la mairie. Hein. Ouais, il peut faire ton passeport. Bah, la préfecture. Mais pas toutes. Il va y avoir un mec à l'accueil du coup. Donc bah j'ai besoin d'un Thierry Rincedoigt et d'un mec à l'accueil. Le mec à l'accueil. Toi, je te veux en. Mathieu, je te veux en mec de l'accueil. Si tu connais bien, tu vas être insupportable et c'est exactement ce qu'il faut. Donc je suis à bonne école, quoi. Est-ce que tu veux faire. Qui veut faire Thierry Rincedoigt ou Juliette Rincedoigt? Ouais, Aurélien? Oui. Eh ben vas-y, on a un beau Thierry Rincedoigt comme ça. Voilà, donc c'est tout simple, hein, c'est le début de l'improvisation, et après on va voir ce qui se passe. On verra si le mec est un mec, hein, à l'accueil. Hein. Si le mec est un... Oui. Ah bah ça, c'est ton boulot, ça. Ouais, je sais pas, je me tâte. Mais te tâte pas trop longtemps. Bon, il va être temps de lancer l'improvisation. Heureusement qu'il est 22h30, hein. Je suis pas bien entre les deux. Les enfants sont couchés, tout va bien. On est reparti pour l'administration, j'ai pas de titre rigolo non plus. C'est parti. Thierry, tu peux aller à l'accueil, demander... Bonjour. Oui, un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. C'est pourquoi? J'aurais besoin d'un passeport. Bien sûr, vous avez rempli le formulaire B14 et B213. Comment? Est-ce que vous avez rempli le formulaire B14 et B213? Ben non, on m'a rien dit. Comment ça, on vous a rien dit? Ben non, on m'a rien dit. On aurait dû vous dire quelque chose. Oui. Ben, il faut remplir ce formulaire B14 et B213. Mais ils sont où, ces formulaires B14 et B... Il faut les voir au guichet 4. Le guichet 4, c'est juste après le guichet 3, avant le guichet 5. Ah mais il y a une queue de dingue au guichet 4. On va aller remonter au premier étage, prendre un ticket pour faire la queue au guichet 4. C'est quand même pas compliqué, mettez-y du vôtre, hein, sinon on se va pas s'en sortir. Non mais moi, ça fait depuis 4h30 que j'attends ici. Oui. Vous me recevez, oui. Et là vous me dites, allez, vous allez encore vous prendre une queue? Mais écoutez monsieur, je vous en prie déjà, on va lever les cochons ensemble. Hein. Et puis moi je fais que mon travail... Vous voyez bien, on est surchargé, il y a de moins en moins de personnel. Ah bah je vois bien, hein, vous êtes... La fonction publique, c'est compliqué. Alors bon, si vous voulez, si vous n'êtes pas content, bah, c'est pas compliqué, vous repartez chez vous, et puis voilà, vous n'avez pas votre passeport, et tout le monde est content, on peut faire comme ça, si vous voulez qu'on fasse comme ça. Si vous me prenez de haut, moi, il n'y a pas de problème, je peux monter sur ma grosse faute. Vous énervez pas. Ah non, mais ça suffit, hein. Je me suis pas énervé. Ah mais moi, je m'énerve, hein. Je me suis pas énervé. Toute la journée, des gens qui font la journée comme vous. Je me suis pas énervé. Moi je m'énerve. Hein. Oui, bah je vois ça. Donc, si vous voulez votre formulaire. Oui, mais votre métier c'est pas de vous énerver devant le client. Alors vous merci, vous allez vous calmer. Hein. Vous n'êtes pas un client, vous êtes un usager, monsieur, déjà. Un usager, non mais. Voir. Je suis pas un papier usager, mais c'est quoi ça? Deuxièmement, si vous voulez votre formulaire. J'ai encore jeune. Si vous voulez votre formulaire, vous allez au guichet 4 voir ma collègue Martine qui vous recevra si elle le souhaite. Parce qu'il est déjà midi, c'est bientôt la pause. Alors vous ne faisiez pas nous embêter. Voilà. Au revoir, monsieur. Bon. C'est Mireille, c'est ça, c'est marqué. Bon, Mireille. On la fait tranquille, personne voit. Allez, vous me faites un geste, je vais pas au guichet 4. Non, mais attendez, mais pour qui vous me prenez, monsieur, ne vous en va pas? Vous avez cru qu'ici on était. Enfin, des vendeurs de canapés ou de voitures? Non, monsieur, vous êtes dans la fonction publique ici, on fait les choses bien, on remplit les formulaires, on remplit des CERFA, et si vous voulez pas de CERFA, eh bien vous n'avez qu'à aller faire votre passeport dans le privé, je vous souhaite bien du courage. Ah, bah la fonction publique, oui, on la connaît, hein. Sur ces entrefaits, Thierry Rincedoigt va au guichet 4. Et sur le chemin, il trouve un homme. Un homme sauvage, on dirait. Il est là depuis 2 ans. Okay. Et il a élaboré des techniques pour corrompre les guichetiers. Donc cet homme va t'aborder et essayer de te donner quelques conseils. Corruption, oui. Yann, faut que tu... C'est voilà. Tellement cliché. C'est reparti. Et toi? Viens voir, Oh, oui. T'attends pour le passeport, là? Ah oui, j'attends. Ça fait 2 fois que je fais la queue, donc... Alors là, si tu les écoutes, tu fais la queue toute la journée, faut pas... Hein? Bon, faut pas le faire comme ça, je... Ah oui? Bah oui, faut pas faire la queue. S'il faut pas la faire comme ça, faut la faire comment? Attends, il y a des... Attends, je vais te donner un petit... Eh bien, bien, ah bah donne. Game, mais attends. T'as un petit peu de flou, toi. Non, t'as pas. Non. J'ai tout mis de côté pour pouvoir aller au Bahamas. Alors, bon, je vais pas commencer à filer ma flouze. Alors, attends, y a pas de plus. Moi, j'ai fait avec des billets de Monopoly, ça marche très bien. Et je me trimballe pas avec un billet de, Monopoly à la préfecture. Non, mais t'as rien dessus, tu connais pas la préfecture, toi, il faut toujours avoir un billet de Monopoly sur toi. Bah, et quand il y a une Monopoly, t'arrives, tu dis, je truc, et il dit, c'est rempli, le surface. Hop, tu payes, et puis ça marche. Oui, bon, je me suis déjà tapé une guichetière un peu conne, et puis pas très aimable. Donc maintenant, si je me retrouve avec un trou de je sais pas quoi, là, qui commence à me dire, et combine. Je suis à la préfecture déjà. Il y a personne que ça réjouit quand on est à la préfecture. Donc si maintenant on vient me casser les endives, Et je te donne des tuyaux, gamin. Tu vas pas attendre toute la journée, tu vas t'exciter. Tu me donnes des tuyaux, tu crois que je suis plombier? Il fait des blagues en plus, le gars. Non mais attends, tu m'écoutes pas, gamin, je m'en fous. Pendant ce temps, au guichet numéro 4. Non mais alors tu sais pas ce qu'il me dit, Martine. Le gars il vient, il me dit je m'en passe pas tout de suite. Bon alors moi j'arrive vers toi. Il est fou. Il va venir te voir, c'est sûr, il va demander la même chose. Tu me l'as envoyé. Ah bah écoute, moi j'en peux plus, c'est toi qui les donne. C'est toujours toi les formulaires B14, ça a changé. Bah ouais, bah j'aimerais bien que ça change. Ah c'est toujours toi, moi j'ai bien fait de l'envoyer alors. Ah super. Bon, bah tu vas voir, il va pas savoir le remplir. Ah, c'est sûr. Il va pas rempli. Ah non mais, il va pas savoir. Il a l'air con comme ses pieds. Ah super. Pendant ce temps, dans le couloir, un complot se fomente contre les guessières pour avoir un formulaire B14. Ouais, sinon, qu'est-ce que tu fais, la Martine? La Martine, elle en veut. La Martine ou la Mireille? Moi, je sais plus. La Mireille, oui, c'est pareil. Après, ça peut être la Mireille et la Martine en même temps. La Mireille, bon, elle en veut. Alors, tu te proposes un petit truc, ce truc de photocopieur là-bas. Je peux te dire que sur la photocopieur elle sert. La photocopieur. Oh, qu'est-ce qu'il me dit là? Où est-ce que je suis arrivé moi? Et tu fais des copies doubles, hein. Je peux te dire. Pendant ce temps, au guichet numéro 4, les guichetières parlent et laissent traîner un indice pour les convaincre. Quelque chose qu'elles veulent, du parfum, n'importe quoi. J'ai pas compris. Tu les vois? Je suis guichetière, hein, j'ai pas compris. Tu les vois là-bas, les deux idiots là? Regarde-les là, regarde donc. Ça fait pas genre 2 ans qu'il est là. Vous avez 2 ans qu'il est là, lui. Je sais pas ce qu'il a. J'ai même plus pourquoi il est venu. Pourquoi vous êtes venu, monsieur? Pourquoi il est venu, monsieur? Ouais, j'ai venu à la base, c'était pour trouver un peu de réconfort. Non, mais on n'a pas ça ici, vous n'êtes pas le bon formulaire, hein. Vous croyez quoi, monsieur? De réconfort. Mais il nous a pris pour la médusa à lui ou quoi? Ouais, je crois, hein. On est en train de monter un sale coup, ça se voit. Sur ces entrefaits, Thierry Rincedoit arrive devant les deux guichetières. Et il a compris, en parlant avec son ami Australopithèque, que la bonne façon pour avoir le formulaire, c'était de parler en rime. Il va donc faire sa demande en rime et obtenir son formulaire. Ah bah alors voilà, lui. Vous voulez quoi, monsieur? Madame guichetière, il me faudrait un formulaire. C'est tout? Fermé, monsieur. C'est tout? Il n'y a rien d'autre. Vous avez que ça. Madame la guichetière, vous m'avez entendu, c'est un peu léger quand même. Madame la guichetière, il me faudrait un formulaire, un B14. Qui ne date pas de Louis XIV. Ça, c'est de la rime riche. Hein. Bah, bravo. Hein. Et Mireille, je ne suis pas réveillé depuis demain la veille, donc... Bon, allez, donne-lui, va. Il me faut aussi un B28. Alors, pour le B28, par contre, il faudrait aller à l'étage numéro 3. Madame, lui, le B14, toujours, va. Oui. Allez, faut que j'aille imprimer ça, je reviens. Et je veux surtout un passeport et pas en kit. Ah mais attendez, mais le B14 c'est pour la carte d'identité, hein. Pour le passeport, fallait le demander dès le début, hein. C'est complètement une autre procédure, hein. Ah non. C'est ainsi qu'à 3h du matin, il est toujours là. C'est ça. Et quelqu'un a le formulaire Formidable fin. Ah bah à la fin, non, du coup, rien n'est avancé, hein, comme dans la vie en fait. Est-ce que dans la vie, t'as déjà eu un passeport? Bah non, bah là pareil. Ouais, faut revenir après. Vraiment demain, on reviendra demain. C'est ça. J'ai déjà eu un passeport culturel. Oui. Mais ça, tu l'as en 5 minutes, tu payes. Ça, c'est différent. Tu en fais de l'autopromo de l'univers. J'avais pas pensé à la rime. Oui, bonjour. Ok, avant de passer à la dernière improvisation de ce soir. Oh, déjà. Déjà, oh, hein. Attends, je vais faire le lancement. On va écouter. On va écouter quoi? Eh ben, tu peux le faire. C'est la première chanson en haut. Eh oui, on va écouter Getting Conscience de Draman ou l'inverse. Ouais, c'était ça. Draman avec sa chanson Getting Conscience. C'est ce que j'ai dit. De la lumière, 21h-23h sur Indestar. Il y a un mort. Et ouais, c'est quelqu'un de se faire flinguer, oui, mon gars. Et c'est la chanson, c'est pas moi. Hein. C'est violent. C'est pas. On est reparti pour la dernière improvisation de ce soir. Dernière improvisation qui est ni plus ni moins que Amour, Gloire et René. Oh, le fameux. Le fameux, hein. Donc je récapitule un petit peu l'histoire pour ceux qui n'écoutaient pas les feuilletons précédents. Donc René était à la base un fabricant d'abeilles langues pour les médecins. qui fabriquait des abeilles-langues en bois. Sauf que les médecins ont commencé à utiliser des abeilles-langues en métal. Donc il s'est retrouvé gros Jean comme devant. Et il a commencé à fabriquer des bâtons de glace parce qu'il s'est aperçu que les bâtons de glace et les abeilles-langues, ça avait la même forme. Dans le dernier épisode. Ça a l'air passionnant. Passionnant. Ouais. Hein. Ouais, ça a fait déjà 12 épisodes. Des trucs, t'as envie vraiment de le voir. C'est une série, c'est pas dans le scénario, c'est dans le jeu des acteurs que c'est bon. Ouais, voilà. Bah, ça promet. Dans le dernier épisode, René s'était perdu sur une île pendant 3 ans. Donc il avait perdu tout contrôle, tout contact avec la, la civilisation, je vais y arriver. Et il a réappris à parler. Mais pendant qu'il réapprenait à parler, il a fait une maladresse. C'est-à-dire que dans son entreprise, il a donné l'ordre qu'on construise dans son entreprise des cuvettes de chiottes. Ça n'a rien à voir avec un abeille-langue. Absolument rien. C'est plus donc du coup, c'est pour ça que René est dans le mal. Donc on va le retrouver complètement abattu dans un bar. Il va y voir Jackie Lafritte avec lui, qui est son ami, son bras droit. Et ils vont essayer de se tirer de cette situation. Ouais, bon, on n'est pas dans la merde. Hein. Oh. Est-ce que c'est bon pour tout le monde hein? Il me faut un René, ou une René, bien sûr. Il y a du monde hein, qui se manifeste, là, c'est beau à voir. Tout le monde baisse la tête comme à l'école. Mathieu ? Moi aussi. Allez, René. Et il me faut un Jackie Lafritte pour la scène de base, du moins. Vas-y, Aurélien. J'ai fait 12 fois. Je ne veux pas m'imposer. Aurélien nous fait Jackie Lafritte. Donc, je vais vous demander pour cette improvisation, bien sûr, de jouer mal. De jouer très très mal, super. Comme dans Amour, Gloire et Beauté. Non, je ne sais même plus le nom d'origine de ce truc. Si, c'est ça. Amour, Gloire et Beauté, ouais. Des mots qui font rêver. Amour, Gloire et Beauté. Tout à fait. Donc là, on est dans un bar. René a entrepris de se bourrer la gueule pour oublier ses soucis. Et Jackie va essayer de le réconforter. Je sais pas comment on se bourre la gueule mal. Je pense que ça va assez vite. Je crois que le troisième Ricard que j'ai pris me fait un petit peu de mal. Tu vois. Il boit du Ricard, René. Il boit ce qu'il veut. Il boit ce qu'il veut, du. Ouais. Je sais pas, dans René, les épisodes précédents, il boit quoi? Parce que souvent, il boit beaucoup d'alcool dans les soirées. Oh, c'est pas important, tu peux inventer. Tu bois ce que tu veux. J'avoue que je crois que je sais pas ce qu'il boit. Souvent, c'est du whisky. Ouais, c'est du. Ouais, c'est cliché un petit peu. Tu peux faire des cocktails de merde, toi. Vraiment, t'as. Bon. Carte blanche. Dégueulasse, whisky pamplemousse. Carte blanche. C'est parti pour Amour, Gloire et René. Oh là. Ah, alors non. Alors là. Là, vous êtes en train alors, de. Oh top yeah. Ah, bon bouton, oh yeah. Excusez-moi. On y va, Amour, Gloire et René. Ah. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon mon Dieu. Qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Vous lui mettrez, un double, ça va. Un scotch double. Un double, oui. Pour moi aussi. Jackie. Oui. Mon fidèle Jackie. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait, oh bon Dieu? Pourquoi? Pourquoi tu m'as laissé faire cette connerie? Et parce qu'au fond, je pense que c'est la meilleure décision de ta vie. Tu veux dire que j'étais dans l'erreur avec mes bâtons de glace? Non. Non, je ne dis pas ça, mais René. Jackie. Je pense que tu étais à un tournant de ta vie. J'ai complètement perdu les pédales, tu sais. Oui, ça m'a rendu fou d'être 3 ans sur cette île déserte seule. Je sais, je pense que tu as beaucoup souffert. Jackie. Oui. J'ai beaucoup pensé à toi là-bas. Oh, à qui le dis-tu? Et deux scotch double, deux. Jackie, merci. Je lève mon verre à notre amitié indéfectible et indéfécable. Je le lève aussi. Cling. Jackie. Oui, René. Rendez-moi un double! Allez, un scotch double, hein! Je pense que c'est pas une si mauvaise idée, tu sais, que ta chiotte. Tu sais pourquoi? Écoute, René. Écoute. Que ta chiotte, pour toi en ce moment, c'est bien. Parce que ça te permet d'évacuer toutes tes merdes. Toutes tes merdes, tu vois. Tu as toutes les évacuées avant de partir. Hop là. Et à ce moment-là, Camille Strapontin rentre dans le bar. Camille Strapontin est le représentant ou... Ouais, Laura. Et la représentante, la leader numéro 1 des lunettes de chiottes. Et elle a entendu dire que René allait s'attaquer à son domaine. Donc, elle vient au bar pour lui mettre un coup de pression, pour le menacer. Voilà. Là, tu fais ça en jouant mal, s'il te plaît. Bonsoir. Voilà, formidable. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir. J'ai cru comprendre que... Chut, pas un mot. Que vous investissiez. Ah, elle devine. C'est le féminin de devin. Oui, j'investis. Sur mon domaine. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Vous allez vous investir. Vous allez investir sur les cuvettes ? Oui. Pourquoi donc ? Un temps, j'ai investi dans des abeilles-langues, mais ça n'a pas marché. J'ai cru comprendre qu'ils avaient été remplacés par des abeilles-langues en métal. Alors, je vous raconte ma vie, c'est terrible. Vous savez qui je suis ? Non. Vous devriez. Ah oui ? Ah oui. Je pense que vous allez mal finir. Des menaces. Ce sont des menaces. C'est cela, vous me menacez aujourd'hui, ici même, dans ce bar. Un triple whisky. Un triple whisky. Un triple. Qui êtes-vous? Je vous l'ai dit, vous devriez savoir. Et je ne sais pas. Si vous ne me dites pas, je ne le saurai pas plus. Débrouillez-vous. Mais en tout cas, faudrait abandonner ce marché-là. Ah oui. René, oh, je viens de revenir des chiottes. Elles étaient extraordinaires. Je pense que tu peux baser ton futur concept sur celle-là. Merci. Comment s'appelle beaucoup, mais ça ne sera pas possible. Conceptor Chiottis. Conceptor Chiottis. Oh, mais c'est le badge que vous avez, mademoiselle, sur votre pantalon. Et qu'est-ce que veut la petite dame? Une limonade? Alors vous, votre gueule, donnez-moi un whisky comme les autres. Un whisky? À ce moment-là, il y a un gorille. Le gorille de Camille, Camille Strapontin, qui arrive et qui renverse le verre de René sur sa tête, sur sa propre tête. C'est reparti. Vous voyez ce gars-là, là? Oh, René! Mais pourquoi? Oh, que je veux à lire, toi? Mais pourquoi? Je vous ai dit arrêtez ce marché. Une serviette! Je n'arrêterai pas ce marché. Nous n'avons qu'à nous rapprocher tous les deux. Tu veux la bataille? Tu veux la bataille, toi? Je n'ai pas besoin de vous. Et moi, oui. Attention, René. Vas-y, je prendrai ça pour une trahison. Jackie, si je le fais, c'est pour nous. C'est pour notre bonheur, c'est pour notre argent. Est-ce que tu comprends ça? Oh, je comprends, René. Je suis obligé de m'acoquiner avec cette femme. Avec cette Non, que ça me plaise. René. Très bien. René, va s'acoquiner avec Camille. Qu'est-ce que cela vous apporterait de faire ça? La gloire, la richesse. Je n'ai pas besoin de vous pour ça. Peut-être un peu de plaisir. Qui sait? Tu peux lui refaire un verre, s'il te plaît. Camille, regardez-moi. Et un scotch, joue! Là, un scotch! Je veux 70%. Ouh, elle est dure en affaire. 70%. Ne lâche rien, René. Je t'en propose 30. Ce ne serait pas possible. 50. Il veut la baston, là? Il veut la baston, le gars? Il veut la baston? Ok, 70. Voilà. Attention, le René. Verre, s'il vous plaît. La cuvette est glissante. Sur ces entrefaits, Camille Strapontin sort du bar et Jackie Lafritte fait savoir son mécontentement à René. Il n'est pas content qu'il ait vendu comme ça autant de parts de marché. Bonne soirée, à bientôt. René, tu vois ce regard? Oui, je le vois. Tu vois ce regard qui dit tout? Je le connais, ce regard. Je ne le connais que trop bien. Je sais que tu as quelque chose à me reprocher. Certainement. Certainement. Tu penses qu'aller avec elle va t'aider à déployer tes ailes? Mais je ne le fais pas de gaieté de cœur, tu comprends? Je le fais pour notre avenir commun de tous les deux à nous. Mais mon petit doigt de Jackie me l'a bien dit. Tu vas te brûler les ailes, René. Je sais. Je sais que je prends ce risque inconsidérablement élevé, mais que veux-tu? Mais ce n'est pas un risque, René. Tu tombes au fond de la cuvette et tu ne pourras pas en sortir. Alors je rebondirai. J'ai rebondi sur un tas de bâtonnets de glace. Souviens-toi, tu étais là alors que je les avais partout sur moi, que je me noyais, tu m'as sauvé. Mais les bâtonnets, c'est le passé. Je sais, mais imagine. Le passé me poursuit, Jackie. Le passé est omniprésent, Jackie. Si tu acceptes, elle va tirer la chasse d'eau. Et alors, c'en sera fini de nous deux. Je ne la laisserai pas faire, je te promets. Je t'en fais la promesse solennellement solennelle devant tes yeux de moi. Crois-moi, quand faire si je mange, je vais en enfer, je te fais la promesse. Alors, Jackie Lafritte n'accepte pas que René